Studek Web, il est 17h. Studek Web. Dans quelques minutes, vous retrouvez l'équipe du GPS sur Studek Web. Studek Web, les infos. Les informations présentées par Alexandre Bratek. Bonjour. Bonjour à tous. À Marseille, une troisième victime a été découverte sous les décombres. Le premier était celui d'un homme. Le deuxième était celui d'une femme retrouvée aux alentours de midi. La troisième victime a été découverte vers 15h. Les trois individus ne sont pour l'heure pas identifiés. Sur place, 80 pompiers et 120 policiers poursuivent les recherches. 5 à 8 victimes pourraient être ensevelies sous les gravats des deux bâtiments, affirme Christophe Castaner. 6 personnes soupçonnées de préparer une action violente contre Macron ont été arrêtées. Ces suspects liés à l'extrême droite ont été interpellés dans l'Isère, l'Ille-et-Vilaine et la Moselle. Cela a conduit à une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris. Motif association de malfaiteurs terroristes criminels. Les individus sont âgés entre 20 et une soixantaine d'années. Une femme figure parmi les interpellés. Le chef de l'État a annoncé ce matin sur Europe 1 vouloir regarder comment améliorer le chèque énergie pour les ménages modestes. Le chèque énergie est une aide aux ménages modestes afin de payer l'électricité, gaz, le chauffage ou remplacer les équipements énergétiques vétustes. L'aide au transport est mise sur la table. Les Français qui font plus de 30 km trajet maison-travail pourront avoir une défiscalisation, en clair le déduire des impôts. L'expérience a déjà été testée dans la région Hauts-de-France et doit être très prochainement exécutée à l'échelle nationale. Emmanuel Macron a reconnu que la progression des taxes, c'est l'État qui décide. La hausse des prix vient aux trois quarts des cours mondiaux. Enfin, on a quant à une hausse des prix à l'essentiel et le diesel. Le chef de l'État a dit, je cite, « Le carburant, c'est pas bibi. » Il a dit comprendre cette colère. Le gouvernement ne se trompe pas, il a les bonnes directions. Il faut aider nos concitoyens les plus modestes. Fin de citation. Emmanuel Macron a annoncé l'entrée au Panthéon de l'écrivain Maurice Genevoix dès l'an prochain. Côté international, les Américains votent aujourd'hui pour désigner leurs représentants au Congrès. Ces élections se prénomment mi-mandat, mi-terms. Soit ce sont les élections qui affaiblissent Trump, soit au contraire quand elles les renforcent concernant la suite de son mandat. Les premiers bureaux de vote sont ouverts sur la côte à 6h, heure locale, midi à Paris. Une heure plus tard, ceux de la moitié des États-Unis accueillent les électeurs. Les chaînes américaines montraient des longues files d'attente devant certains bureaux. En jeu, les 435 sièges de la Chambre des représentants, un tiers de ceux du Sénat ainsi que les postes du gouvernement dans une trentaine d'États, de la Floride à l'Alaska. Route du Rhum, le trimaran du skipper Armel Lecléache a chaviré vers midi au large des Açores. La cause de la rupture est de son flotteur à bâbord. Le marin est sain et sauf et peut reprendre la course. Du côté de la météo, en cette fin d'après-midi, dans la moitié nord du pays, le temps sera clément. Dans la moitié sud du pays, en revanche, il faut s'attendre à des perturbations pluvieuses, ainsi qu'à des nuages. Les températures sont comprises entre 12 et 16 degrés. Comptez 13 à Brest, 14 à Marseille, 12 à Strasbourg et 16 à Nice. Merci Alexandre. Le prochain rendez-vous avec l'info sur Studek Web, c'est à 17h20. Studek Web. Une radio des hits. Studek. Du kiff. Studek Web. Bonjour madame, mettez-vous sur le bas-côté s'il vous plaît, coupez le contact. Monsieur l'agent. Merci de coopérer madame. Vous savez pourquoi je vous arrête? Non, j'ai pas fait d'infraction. Alors, on m'a signé dans le toki que vous n'étiez pas sur la bonne station de radio madame. Bon, ça ira pour cette fois, hein. J'ai reculé. De mieux que Dove, Rémi et Romain pour te raccompagner chez toi. Du lundi au jeudi de 17h à 18h, tu roules dans le GPS sur Studek Web. Bonjour, bonjour, merci d'avoir choisi le Grand Prime Studek, le GPS pour vous accompagner jusqu'à 18h où que vous soyez. Le GPS, c'est un tout nouveau rendez-vous qu'on vous propose désormais du lundi au jeudi et ce, toute cette saison. Et pour cela, je suis entouré de Dove et Romain. Bonjour. Salut tout le monde. Avec toi, Dove, on va revenir sur la vie et la carrière d'un artiste et vous allez voir que vous vous laisserez replonger dans vos souvenirs. Le jeu de la marche arrière, ça, ce sera avec Romain qui vous fera deviner une année grâce à des indices. Et puis Kevin de Carvalho, bonjour. Salut Rémi. Notre confrère de la rédaction de Studek Web qui vous fera part de toutes les infos. Circulation, le GPS à vos côtés, c'est aussi de l'info et de la musique. Moi, j'adore, mais c'est pas ce que vous préférez, pas de soucis, on a aussi ça pour vous. La musique que vous aimez et des cadeaux à gagner, c'est avec le jeu de la marche arrière dans le GPS tout de suite sur Studek Web. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe pas. parce que ça. La marche arrière sur StudecWeb. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier, cette histoire. On va tenter maintenant de vous faire gagner un pack StudecWeb et une visite des locaux grâce au jeu de la marche arrière. Romain, quel est le principe ? Alors, le but du jeu est de retrouver une année. Pour ça, je vous donnerai des indices tout au long de l'émission. Par exemple, si l'année c'est 1969, je vous dirai, cette année, l'homme a marché sur la Lune. Voilà. Donc maintenant, laissons place au premier indice. C'est la bande originale du film 1492 Christophe Colomb avec Gérard Depardieu, musique de Vangelis. J'espère vous avoir mis sur la piste. Si vous pensez avoir la réponse, envoyez-nous directement votre numéro de téléphone en message privé sur la page Facebook StudecWeb. Et puis, si vous n'avez pas la réponse, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai d'autres indices tout au long de l'émission. Merci Romain, à tout à l'heure pour le deuxième indice. À suivre, Romain allume pour vous les feux de route, plein phare, et c'est uniquement dans le GPS jusqu'à 18h sur StudecWeb. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone, a someone. George Ezra, Shotgun, et à cette heure-ci chez nous, Romain est plein phare. Jour, nuit. Ah, c'est pas vrai, qui sait qu'a encore coupé la lumière? Ah là, c'est mieux, ça éblouit. C'est l'heure de plein phare sur StudecWeb. 17h09 et Romain qui va mettre l'accent sur un film. Et oui, exactement. Alors pour y revenir, j'ai effectué un stage de 2 mois pendant les vacances d'été et je l'ai terminé 2 semaines avant la rentrée. Autant vous dire que quand tu t'habitues à ne jamais t'ennuyer, le jour où c'est fini, c'est vrai que tu sais plus quoi faire. Et étant un couche-tard, je reste à regarder des vidéos sur internet et je suis tombé sur une vidéo des victoires de la musique 90 où Gainsbourg chantait en compagnie de Michel Sardou, Bruel, Woolsey et Vanessa Paradis. Et je sais pas pourquoi, je me suis renseigné sur Vanessa Paradis. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur un film dans lequel elle tenait un rôle principal. Et bon, je savais qu'elle avait joué dans le film L'Arnaqueur avec Romain Duris, mais je savais pas qu'elle en avait fait étant plus jeune. Du coup, j'ai regardé Noce Blanche, un film de Jean-Claude Brissot, dans lequel elle joue le rôle d'une écolière qui tombe amoureuse de son prof de philo, joué par le regretté Bruno Kremer, qui a joué notamment dans Maigret. Et je dois avouer que ce film est totalement impressionnant, parce que dès le début, t'es plongé dans l'histoire, en tout cas moi, peut-être parce que j'adore la philo et que ça me rappelait des souvenirs de voir des cours comme ça, je sais pas. En revanche, j'étais pas du tout un élève comme Mathilde, le rôle joué par Vanessa Paradis, puisqu'elle est, on peut le dire, quasiment absente chaque jour, elle a des mauvaises notes partout. Et plus l'histoire avance, plus on se rend compte que cette fille n'est vraiment pas bien dans sa peau. Elle vit seule dans la banlieue de Saint-Étienne, pas de parents, obligée de se prostituer pour pouvoir se payer sa location d'appartement et malheureusement se payer de la drogue. Sa mère est constamment à l'hôpital puisqu'elle essaye tout le temps de se suicider, donc pas facile pour la jeune fille. Mais c'est vrai que dès qu'elle se décide d'aller à un seul cours, celui de philo, le prof François Hainaut, donc joué par Bruno Kremer, se rend compte qu'elle est finalement très mature pour son âge et a énormément de facilité dans sa matière. Elle a une pensée réfléchie et a vécu des choses qu'une ado lambda de 18 ans n'a pas encore vécu, ce qui fait qu'elle a une avance par rapport aux autres, notamment en philo. Et puis arrive le jour où elle fait un malaise en plein cours et le seul à pouvoir la ramener chez elle est ce prof de philo. C'est à ce moment-là qu'il se décide de s'occuper d'elle comme un parent qu'elle n'a jamais eu. Et puis à la sortie des cours, il vient chez elle donner des cours particuliers jusqu'au jour où la jeune femme commence à lui faire des avances. Une histoire d'amour naît entre les deux et le personnage joué par Bruno Kremer finit par passer plus de temps avec la jeune fille que sa propre femme, qui commence à se poser des questions et qui commence à comprendre ce qui est réellement en train de se passer. Bon, pour ce qui est de la suite, je vous laisse le regarder. Et personnellement, j'ai adoré regarder ce film. C'est le genre de film qui, une fois fini, vous fait un peu réfléchir sur l'importance de l'amour, tout ça, nos actes, que chaque action est importante, que chaque rejet a des conséquences, qu'il faut vraiment, vraiment faire attention à ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas également, parce qu'on peut blesser une personne au plus haut point. Et ce qui est beau avec ce film, c'est qu'il mélange tendresse, humour, émotion et tristesse. Et on ressent dans ce film différentes émotions qu'on peut ressentir dans la vie. Et ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça devant un film, et je dois vous dire que ça fait du bien. Vanessa Paradis a d'ailleurs reçu le César du meilleur espoir féminin pour ce film, donc c'est pas n'importe quoi. Je vous conseille de le regarder, vraiment. Et ça vous rappellera peut-être sûrement des souvenirs, donc allez-y sans modération. Je vous parle également pour l'équipe aussi, hein, donc si vous l'avez pas vu, regardez-le, ça vaut le coup. Romain, ce week-end, promis, je regarde ton film. Bonjour monsieur. Bonjour madame, je peux faire quelque chose pour vous ? Oui, j'ai une envie de vinyle. Ah, vous avez frappé à la bonne porte. Je connais quelqu'un qui peut vous aider. Hier, on a parlé de George Michael. Aujourd'hui, Dove revient sur la carrière d'un des plus grands artistes français. Et cet artiste, c'est Daniel Balavoine. Il est né le 5 février 1952 à Alençon, petite ville de Normandie. Mais il va passer sa jeunesse entre Pau, Dax et Biarritz. À 16 ans, il participe au mouvement des lycéens. La politique l'intéresse et il veut devenir député. Cependant, elle le déçoit également et il se réfugie dans la musique. Au tout début, c'est pas brillant. Il enregistre avec son groupe Présence en 1971 un premier disque, La Lumière et la Folie. Il ne se vend malheureusement qu'à 247 exemplaires et est très peu connu du grand public. Balavoine se sépare du groupe pour tenter sa chance en solo, mais ça reste très compliqué. Pour assurer son quotidien, il devient disquaire, mais ne renonce pas à la musique. En 1973, il est rappelé par la maison de disques Vogue, qui l'encourage à entamer une carrière solo. Mais le 45 tours Viens Vite obtient très peu de succès. Il compose pour Patrick Juvet la chanson Couleur d'automne pour son album Chrysalide et celui-ci le laisse la chanter. À son enregistrement, Balavoine fait la connaissance de l'ingénieur son Andy Scott qui ne le quittera plus. Le directeur artistique de la maison de disques Barclay est séduit par sa voix et lui fait signer un contrat de 3 albums. Le premier 33 tours de Daniel Balavoine intitulé De vous à elle en passant par moi sort en mars 1975. Un seul titre se démarque timidement, il s'agit du morceau Evelyne et moi. Il rencontre Catherine Ferry dont il tombe amoureux et qui est choisi pour représenter la France à l'Eurovision 1976. Pendant la représentation, il sera un de ses choristes et termineront deuxième de la compétition. Daniel écrira ensuite la majeure partie des futures chansons de Catherine Ferry, dont les titres Bonjour Bonjour en 1982 et Vive avec la musique en 1984. Elle me dit bonjour, bonjour. « Bonjour, bonjour, 1982. En octobre 1978 sort l'album Starmania, dans lequel Balavoine interprète SOS d'un terrien en détresse, banlieue nord et quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, on arrive de nulle part. On vit sans domicile, on dort dans des hangars. Le jour on est tranquille, on passe incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. À partir de ce moment-là, il enchaîne les succès avec le titre Le Chanteur, sorti sur l'album Clin d'œil et Je me présente, je m'appelle Henri. En novembre 1980, sort l'album Un autre monde qui contient les célèbres Mon fils, ma bataille, Je ne suis pas un héros et La vie ne m'apprend rien. L'album rencontre un énorme succès avec 500 000 exemplaires vendus. En parallèle de sa carrière d'artiste, il est passionné d'automobile. Il participe au rallye Paris-Dakar à deux reprises. Le 14 janvier 1986, en étant retourné au Paris-Dakar pour des heures humanitaires, près de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, l'hélicoptère dans lequel il se trouve s'écrase au sol et ne laisse aucun survivant. Heureusement, avant ça, il aura écrit des titres sublimes, dont celui-ci, tous les cris, les SOS. Je dessine à l'encre vide un désert. Et je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent. Comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile. Quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit. Les SOS, Daniel Balavoine sur Studek Web. Merci Dov pour cette découverte ou redécouverte de la vie de cet artiste. À suivre dans une poignée de secondes, le retour de l'info, mais aussi la route avec l'infotrafic. Tous vos tubes préférés sont sur Studek Web. Studec Web, les infos. 17h20 sur Studec Web, on s'informe avec vous, Constance Vercamer. On prend la direction de la route du Rhum, le bateau du français Armel Lecléache chavire au large des Açores. Le skipper est sain et sauf, précise les membres de son équipe. Les conditions climatiques difficiles ont causé la rupture de son flotteur de bâbord. Son trimaran avait déjà connu quelques problèmes techniques quelques heures après son départ de Saint-Malo. Il était l'un des favoris de cette édition 2018. Il est également le troisième candidat contraint à l'abandon depuis le début de la compétition, après Sébastien Joss et Thomas Coville. Trois morts, c'est le bilan provisoire actuel de victimes retrouvées sous les décombres à Marseille. Le chiffre grimpe et la découverte de cette personne vient s'ajouter à celle d'un homme et d'une femme retrouvées respectivement ce matin et ce midi. D'après le procureur, il pourrait y avoir potentiellement encore 5 à 8 personnes encore bloquées sous les gravats de ces immeubles effondrés dans le centre de la cité phocéenne. Les 120 policiers et les 80 marins-pompiers continuent activement leurs recherches. 6 personnes liées à la mouvance de l'ultra-droite ont été arrêtées aujourd'hui pour un projet d'action violente à l'encontre d'Emmanuel Macron. 5 hommes et une femme âgées entre 22 et 60 et 62 ans ont été placés en garde à vue. Ces interpellations ont été conduites dans les départements de l'Isère, de la Moselle et de l'Ille-et-Vilaine. Pour l'instant, la réalité, la nature exacte de cette menace n'a pas été précisée par les proches de l'enquête. Emmanuel Macron s'est exprimé ce matin au micro d'Europe 1. Le chef de l'État va aider tous les travailleurs qui doivent se déplacer à plus de 30 km de leur domicile. Il compte notamment baser son soutien financier sous forme d'indemnisation kilométrique avec des chèques carburant, une initiative déjà exploitée par la région Hauts-de-France. Le président français assure que le gouvernement allait améliorer le chèque énergie pour les ménages modestes. Emmanuel Macron est notamment revenu sur les violences à l'école. Il souhaiterait mettre des policiers dans les établissements scolaires avec l'accord de la communauté pédagogique. Il est également revenu sur l'affaire Benalla, assurant que l'Élysée n'avait rien à cacher. À l'international, la côte est des États-Unis a été la première à ouvrir les bureaux de vote pour les élections de mi-mandat, appelées les midterms. À cette heure-ci, la Floride est l'État le plus scruté et cette année, la participation devrait être historique. 35 millions d'électeurs ont déjà participé grâce à la possibilité des votes anticipés. Cela représente 20% de plus qu'en 2014. Les premiers résultats dits fiables devraient tomber durant la nuit en France. Si les Républicains venaient à perdre le contrôle du Congrès, les démocrates pourraient lancer une procédure de destitution contre Donald Trump. Et coup d'œil sur le ciel, des perturbations pluvieuses seront présentes sur l'ensemble du pays dès demain matin avec quelques éclaircies attendues dans le nord-ouest. De la neige est prévue dans les Pyrénées à partir de 2300 mètres d'altitude. Côté température, le matin, il fera entre 6 et 9 degrés dans les terres, 10 à 12 en bord de mer. Les maximales sont attendues dans le bassin méditerranéen entre 17 et 19 degrés. Tout de suite, on retrouve Rémi Farré dans GPS. Merci Constance. Prochain rendez-vous avec l'info à 17h40. Studec, l'infotrafic. Du côté de la route, on retrouve toutes les précisions de Kevin de Carvalho. Le trafic est assez perturbé dans les alentours de Paris, sur la 4 au niveau de Nogent pour cause de travaux qui prendront fin le 30 novembre. Deux véhicules légers en panne sur le périphérique. Un véhicule léger et une moto sont victimes d'un accident corporel sur l'A104, une voie fermée sur deux. Un autre accident sur l'A3 de Bondy vers Rosny, un véhicule léger impliqué et une voie fermée. Passons au transport en commun et on commence avec le tram 7 entre Cœur d'Orly et Porte de l'Essonne. Interrompu du 5 au 22 novembre, du lundi au jeudi à partir de 21h, des bus de remplacement sont à disposition. Sur le RER C, une intervention des pompiers à proximité, le pont de Garigliano, l'accident est terminé, le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne. En raison de travaux de maintenance sur le RER A, le trafic est interrompu du lundi 5 au vendredi 9 novembre entre Cergy-Saint-Christophe et Cergy-le-Haut de 20h25 à fin de service et entre Maison-Lafitte et Cergy-Saint-Christophe de 21h30 à fin de service. Des bus de remplacement sont également à disposition. Merci Kevin, notez que l'infotrafic revient d'ici moins de 10 minutes. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe pas. La marche arrière sur Studecweb. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. Romain, on te retrouve pour le second indice du jour. Je vous rappelle qu'il y a un pack Studecweb et une visite des Lotto à gagner. Donc tendez bien l'oreille. Alors, je vais vous rappeler un peu le principe du jeu avant de pouvoir continuer. Le but est de retrouver une année en particulier grâce aux indices que je vous donne pendant l'émission. Le premier indice était la bande originale du film 1492, Christophe Colomb, avec Gérard Depardieu. Bon, je pense que certains ont déjà la réponse, mais pour les autres, je vais vous donner un second indice. Cette année-là, écoutez bien, s'est déroulé les Jeux Olympiques d'hiver. Mais attention, pas n'importe où. Premier JO premiers Jeux Olympiques d'hiver, donc en France, les JO d'Albertville. Alors à l'époque, on en a beaucoup parlé, ça n'est pas passé inaperçu, donc ça devrait vous mettre sur la piste. Si vous avez la réponse, eh bien envoyez-nous votre numéro de téléphone en message privé sur la page Facebook de Studegweb pour peut-être être sélectionné et donner votre réponse à l'antenne. Et puis si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, je vous donnerai d'autres indices incessamment sous peu. Merci Romain, déjà deux indices de données, d'autres arriveront en cours d'émission, donc restez bien branchés sur le GPS. Vous avez le temps de la chanson Bad Boy de Marwa Loud pour bien vous fixer une année. Le but d'une vie c'est de faire de la monnaie, c'est pas ton équipe et ton racolé. Toutes tes copines, ouais on les connaît, à force de zoner, ouais on les a rôlées. Je suis abattu, je perds le fil. Et t'as pas un euro, fais pas de deal. Et t'as pas un kilo, fais pas le dealer. Je prends pas ça au sérieux, ouais ça fait dealer. La gosse dans tu mets tes gants, tu mets ton bonnet. Et tu cours, continue de zoner. Donc tu sors, t'es beau, t'es bien accompagné, ouais, donc c'est bon, c'est bon. Elle a vu tout ton zéyo. À partir de là, ouais, tu te casses les dents. Ouais, tu te casses les dents, tu dépasses les bancs. Tout ça parce que la femme est bonne, mais toi tu la frictionnes, les consos s'additionnent. À la fin, c'est qui paye, bah c'est pas elle qui donne. Présenté à l'instant par Marwa Loud, Bad Boy, la suite de votre programme dans le GPS, c'est sans plus tarder dans deux minutes un coup d'œil sur la route. Est-ce que ça coince ou bien est-ce que c'est plutôt fluide? Notre confrère Kevin de Carvalho vous dira tout. Et puis dans les prochaines minutes, Romain vous dévoilera un troisième indice. Antadov, il est déjà en train de s'acharner sur la boîte à gants. Le GPS, c'est aussi vos messages sur la page Facebook de Studegweb où nous vous attendons d'ores et déjà. Studegweb vous gâte au quotidien avec ses nombreux programmes et leurs médias du lundi au jeudi de 16h à 17h où toute l'équipe de Romain vous donne à connaître l'actu média, les audiences, les animateurs, vous offre une bonne dose de musique, de trafic et même des idées pour votre programme télé du soir. L'heure média, c'est votre rendez-vous 100% média sur Studegweb de 16h à 17h. Le GPS, c'est comme je vous le disais aussi sur la page Facebook de Studegweb où Julien nous dit « Je sèche vraiment vite, vite des indices. » Alors Romain, on dirait que Julien a besoin de ton aide. Le troisième indice, c'est dans quelques secondes. C'est dans quelques minutes. Combien de minutes? 5 petites minutes? Je ne sais pas, je suis pas très fort en calcul. Honnêtement, pour te dire. On passe au trafic avec Kevin de Carvalho. Le trafic est assez perturbé dans les alentours de Paris sur l'A4 au niveau de Nogent pour cause de travaux qui prendront fin le 30 novembre. Deux véhicules légers en panne sur le périphérique. Un véhicule léger et une moto sont victimes d'un accident corporel sur l'A104 et une voie fermée sur deux. Un autre accident sur l'A3 de Bondy vers Rosny. Un véhicule léger impliqué et une voie fermée. Passons au transport en commun et on commence avec le tram 7 entre Cœur d'Orly et Porte de l'Essonne. Attendant plus du 5 au 22 novembre, du lundi au jeudi à partir de 21h, des bus de remplacement sont à disposition. Sur le RERC, une intervention des pompiers à proximité de pont du Garigliano. L'accident est terminé, le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne. En raison des travaux de maintenance sur le RERA, le trafic est interrompu du lundi 5 au vendredi 9 novembre entre Cergy-Saint-Christophe et Cergy-le-Haut de 20h25 à fin de service et entre Maison-Laffitte et Cergy-Saint-Christophe de 21h30 à fin de service. Des bus de remplacement sont également à disposition. Merci Kevin, prochain point circulation dans moins de 10 minutes. Bonjour madame, mettez-vous sur le bas-côté s'il vous plaît, coupez le contact. Monsieur l'agent. Merci de coopérer madame, vous savez pourquoi je vous arrête? Non, j'ai pas fait d'infraction. Alors, on m'a signé dans le toki que vous n'étiez pas sur la même station de radio madame. Bon, ça ira pour cette fois, hein. Circulez. Qui de mieux que Dove, Rémi et Romain pour te raccompagner chez toi? Du lundi au jeudi de 17h à 18h, tu roules dans le GPS sur StudiaQuem. Quasiment 17h32, vous nous rejoignez à l'instant. Soyez les bienvenus dans le GPS, le Grand Prime Studec jusqu'à 18h. C'est un nouveau rendez-vous qui vous accompagne toute cette saison du lundi au jeudi de 17h à 18h avec Romain qui vous fait participer au jeu de la marche arrière et puis Dove qui a ouvert sa boîte à gants et qui en a sorti quelque chose. Mais quoi? La réponse dans seulement 5 petites minutes. Vous le savez, on fait la route ensemble et puis pour vous aussi, de la musique. Et cette nouveauté, notre idylle de Jennifer, et plus avant 18h. Un classique, le tube de Jean-Pierre Madère, Macumba, pas mal le programme, d'autant que vous pouvez réagir à l'émission sur la page Facebook Studec Web en commentant et partageant aussi, pourquoi pas, vos idées de sortie pour la soirée et même des infos pratiques. Tout ça nous intéresse, on est preneurs, restez bien avec nous. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe. La marche arrière sur Studec Web. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. Il est maintenant l'heure de dévoiler le troisième indice. Romain, qu'est-ce que c'est? Alors, pour ceux qui sont nés avant l'année que nous recherchons, je pense que ça va vous rappeler des souvenirs. Il s'agit d'une émission diffusée sur TF1 et animée par Christophe De Chavannes, émission durant laquelle les téléspectateurs pouvaient poser des questions directement à l'invité. Écoutez. Vous l'avez sûrement deviné, il s'agit du générique de l'émission Coucou c'est nous. L'émission a été diffusée pendant 2 ans sur la chaîne. Nous recherchons donc l'année pendant laquelle est sorti le film 1492, puis l'émission Coucou c'est nous, et l'année des JO d'hiver d'Albertville. Alors, vous avez la réponse, envoyez-nous votre numéro de téléphone par message privé sur le Facebook de la radio pour peut-être avoir la chance de passer à l'antenne, donner votre réponse. Un pack Studec Web et une visite des locaux sont en jeu, ce n'est pas rien, donc n'hésitez pas. Un dernier indice vous sera donné dans quelques minutes pour ceux qui n'auraient pas encore trouvé l'année que nous recherchons. Studec Web, une radio DDI, Studec, du kiff, Studec Web. Ah, c'est le bazar là-dedans. Peut-être ranger un jour. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. La boîte à gants, c'est sur Studec Web. Dove, qu'as-tu trouvé aujourd'hui dans ta fameuse boîte à gants? Ah, la fameuse, c'est très approprié, je dirais même magique, parce qu'on y trouve tout et n'importe quoi. Hier, c'était mon vieux ticket d'entrée cinéma pour les Animaux Fantastiques. Et la suite qui arrive bientôt, j'ai quelques infos. Le second volet des Animaux Fantastiques sera une petite réussite. Les premiers avis sont tombés et sont pour l'instant très vendeurs des Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. Le premier opus est sorti le 18 novembre 2016 et avait pour but de ramener les anciens et nouveaux fans d'Harry Potter dans les territoires magiques du monde des sorciers. L'opération a marché puisque le film a totalisé 814 millions de dollars au box-office mondial. En France, il a totalisé plus de 4 millions d'entrées. Après un si grand succès, une suite de 5 films a été prévue et c'est à ses successeurs de briller, enfin, tout du moins de tenter. Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald sort en salle le 14 novembre et c'est dans une dizaine de jours. Voyons ce que renferme ce film de 2h14. L'histoire se déroule en 1927, quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et de façon spectaculaire. Il réunit de plus en plus de partisans et il est à l'origine d'attaques d'humains normaux, les moldus, par des sorciers. Le seul capable de l'arrêter semble être Albus Dumbledore, qui était autrefois son ami. Le grand sorcier, qui sera plus tard le directeur de Poudlard, fait appel à son ancien élève Norbert Dragono, le seul sorcier qui a déjà déjoué les plans de Grindelwald. L'aventure qui les attend réunit Norbert, sa femme, Tina, la sœur de Tina, Queenie, et Jacob, un pâtissier moldu très attachant. J'ai des questions à vous poser, professeur. Voilà une surprise. Le bruit court que Norbert Dragono doit se rendre à Paris. Je sais qu'il travaille sous vos ordres. Quelle explication avez-vous, Dumbledore ? Si vous voulez la bande-annonce en entier, vous la trouverez sur Internet, YouTube, Dailymotion. Elle donne vraiment envie de voir le film, je vous le conseille. Et j'ai quelques anecdotes pour vous. Alors, les fans purs et durs, j'espère quand même vous apprendre quelque chose. Vous, les amis, est-ce que vous êtes fans d'Harry Potter ? Alors, moi, pas tellement. Je t'avoue que Harry Potter, c'est pas trop mon trip. Harry Potter, tu préfères Le Seigneur des Anneaux ? Non, même pas. Même pas ? Oh là là. Même Rémi ? Ah, moi, si, j'adore. Ah, voilà, un fan d'Harry Potter pur et dur. si. Bon, alors, je ne t'apprends pas que Les Crimes de Grindelwald sera le 10e film de la franchise. Bah, d'Harry Potter. De la franchise Harry Potter, c'est ça. Johnny Depp a de nouveau été casté pour Grindelwald. Il avait tenu ce rôle brièvement lors du premier opus, puisqu'il n'apparaissait qu'à la toute fin. Mais tu sais que moi, au début, je pensais que c'était un autre Harry Potter qui venait. Je me dis, oh super. Et puis au final, j'ai vu que c'était Grindelwald. Je me dis, un peu moins super. Mais il est là quand même cool. Mais au final, rien à voir. Les crimes de Grindelwald. J'avais pas forcément compris non plus. Le film. Ouais. Bah, c'est vrai que ça parlait de Moldu. Je les ai vus dans l'espèce de palais de justice qu'il y avait dans Harry Potter. Parce que c'est le même monde. C'est le même monde à une époque différente. C'est comme un spin-off, c'est ça. D'accord, ok. C'est un spin-off. Et pour rappel, combien il y a d'Harry Potter ? Il y a 8 films Harry Potter et il y a 7 livres. Le dernier livre a été adapté en deux parties. C'est Relique de la Mort, ouais. En deux parties. J'ai une dernière information pour vous. Et là, je vais vous étonner. Omar Sy a refusé de tourner dans le film. C'est pas vrai. Non. Si. Non. Si. Eh ben, il a du pif, Omar. Hein. Ben, il a décliné, apparemment, parce que le rôle qu'on lui proposait était répétitif et c'est quelque chose qu'il a déjà joué. Ah bon ? Dans quel film ? Oui. D'accord. Le rôle en lui-même est répétitif. Il n'a pas donné d'infos, il a seulement dit que le rôle qu'on lui proposait, il trouvait ce rôle trop répétitif. Je ne sais pas ce qu'il faisait dans le film, il ne l'a pas précisé. Mais en tout cas, c'était trop répétitif pour lui. Et il s'est dit, lui, quand il est en tournage, il aime bien apprécier, faire des choses nouvelles et découvrir de nouvelles sensations. Si c'est pour faire toujours la même chose, il a peur de ne plus apprécier son boulot et finalement de... D'être trop répétitif, comme tu l'as dit. C'est ça. D'une manière trop répétitive également. C'est exactement ça, d'être trop répétitif. Et c'est pour ça donc qu'il a refusé ce rôle. Tout ce qui parle de l'œuvre de Rowling, moi je suis fan, je serai d'ailleurs au cinéma le 16 novembre. Pareil, nous aussi. Super. Sur Facebook, vous nous envoyez tous vos petits messages. Vous nous envoyez tous vos petits messages, on va y arriver. Vous nous dites aussi ce que vous faites ce soir, notamment si vous avez des idées de sortie sur Paris ou dans vos régions. Vous faites quoi ce soir ? Vous regardez la télé ? Non, chez moi, je pense que ça va être tranquille. Franchement, tranquille. Il y a le foot aussi. Ah, il y a le foot, exactement. Bah, je vais rester tranquille chez moi, devant le foot. À regarder le foot. PSG, Naples. Ouais, c'est exactement. On va être devant la télé. T'écoutes Studek Web, mais t'écoutes pas Studek Web Borderline avec Anto, Mona et Hugo. Oh, le has-been, non, mais j'allume, quoi. Non, mais allô, wake up. Allez, t'en fais pas, tu peux te rattraper en nous écoutant de 15h à 16h. On passe une heure ensemble et surtout, on fait le plein de culture. Mais pas de la culture relou, hein, vous en faites pas. Au programme, série, Kim Kardashian, infos surréalistes et surtout de la bonne musique. Ne rate pas le rendez-vous, 15h, 16h. Borderline sur Studek Web. À 17h40, voici les titres qui seront développés tout à l'heure dans Studek Soir. Après l'effondrement de deux immeubles à Marseille, le bilan continue de s'alourdir. Trois corps retrouvés dans les décombres. La ville marseillaise est en deuil. Le président Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir lors d'un discours à Pont-à-Mousson. Ce matin, sans qu'il soit possible à ce stade de tirer quelques bilans que ce soit, Marseille a souffert et souffre encore. Trois immeubles se sont effondrés. Je n'en dirai pas plus maintenant, mais je voulais ici dire l'affection et la solidarité de la nation tout entière à l'endroit de nos compatriotes pour cette ville, ce territoire, cette région. Retour sur les faits avec Tony Boulanger. Aujourd'hui, dans le cadre des midterms, les élections à mi-mandat américaines, de nombreux scrutins vont se tenir au niveau local pour élire des maires et des conseillers, des shérifs. Mais c'est au niveau fédéral que l'enjeu sera le plus crucial avec une possible victoire de l'opposition démocrate à la Chambre des représentants. Thomas Cellier reviendra sur les enjeux. Un an et demi après son entrée à l'Élysée, le président Emmanuel Macron a accordé sa première interview radio à Nico Aliégas sur Europe 1. Un entretien exclusif, affaire Benalla, les carburants, les violences à l'école. Emmanuel Macron a répondu à ses questions sur l'antenne d'Europe 1 ce matin. Plus de détails avec Yoann Guillet. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et Nicolas Revel, le directeur général de l'assurance maladie, ont relancé officiellement le dossier médical partagé, le DMP. La question que tout le monde se pose, qu'est-ce que c'est ? C'est un carnet de santé en ligne qui permet de retrouver sur le même espace toutes les informations sur le patient. Et Louane Brault nous donnera les explications dans le journal. Ce soir dans l'Hexagone, le ciel sera globalement dégagé sur une majorité du territoire. En revanche, le temps sera pluvieux sur les côtes atlantiques en Bretagne et Pays de la Loire, ainsi que dans le sud-est, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse. Des orages sont même attendus à Nice. Côté Mercure, ce soir, la minimale sera de 7 à Pau. Il fera 9 degrés à Rouen, à Strasbourg et en Auvergne, 10 degrés à Bordeaux et à Toulouse, 12 à Paris ainsi qu'à Bordeaux et à Lille. La maximale est de 15 degrés à Nice. Merci Caitlin. Studec, l'infotrafic. On s'intéresse à présent à la route avec vous, Kevin de Carvello. Le trafic est assez perturbé dans les alentours de Paris sur l'A4 au niveau de Nogent pour cause de travaux qui prendront fin le 30 novembre. Un véhicule léger en panne sur l'A86 de Fontenay-sous-Bois vers le Pérou sur Marne. Un véhicule léger et une moto sont victimes d'un accident corporel sur l'A104, une voie fermée sur deux. Un autre accident sur l'A3 de Bondy vers Rosny, un véhicule léger impliqué, une voie fermée. Passons au transport en commun et on commence avec le tram 7 entre Cœur d'Orly et Porte de l'Essonne, interrompu du 5 au 22 novembre. Du lundi au jeudi, à partir de 21h, des bus de remplacement sont à disposition. Sur le RERC, une intervention des pompiers à proximité de Gargliano. L'accident est terminé, le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne. En raison de travaux de maintenance sur le RER A, le trafic est interrompu du lundi 5 au vendredi 9 novembre entre Cergy-Saint-Christophe et Cergy-le-Haut, de 20h25 à fin de service et entre Maison-Laffitte et Cergy-Saint-Christophe, de 21h30 à fin de service. Des bus de remplacement sont également à disposition. Merci Kevin pour tous ces détails. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. La marche arrière sur Studec Web. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. Dernier indice et dernière possibilité pour vous de nous envoyer votre réponse. Romain, dis-nous tout. Eh oui, dernier indice maintenant. Alors écoutez bien, connu à travers le monde, attirant de nombreux touristes en France, il fait partie des événements tant attendus de l'année que nous recherchons. Vous vous demandez sûrement de quoi il s'agit. Eh bien, c'est l'ouverture du parc Euro Disney, donc situé à Chessy, en région parisienne. Le parc d'attractions ouvre ses portes cette année-là. Donc, je récapitule. Vous devez trouver une année en particulier grâce aux indices que je vous ai donnés. Le premier indice était la bande originale du film 1492, Christophe Colomb. Le deuxième, c'était les Jeux Olympiques d'Albertville. Le troisième, c'est le générique de l'émission Coucou, c'est nous. Et le dernier indice, je viens de vous le donner, c'est l'ouverture du parc Euro Disney. Vous avez la réponse, envoyez-nous votre numéro de téléphone en message privé sur la page Facebook de la radio. Je prendrai un auditeur dans quelques instants, juste après un titre phare de l'année, Ace of Base, All That She Wants. She leads a lonely life. venez d'entendre à l'instant l'ultime indice de notre jeu de la marche arrière. Mesdames et messieurs, bienvenue au sein de notre compagnie GPS Airlines. Je serai votre commandant de bord pour ce voyage au bout du monde. Mon équipage et moi-même vous souhaitons un agréable vol. Laissez-vous driver. 24 heures dans le monde, la parenthèse enchantée sur StudecWeb. 17h48, Kevin de Carvalho vous propose maintenant un tour du monde des infos insolites. Alors on commence en France et précisément à Toulouse où la maison du vélo a organisé une projection écolo. Les spectateurs devront, grâce à la force de leurs mollets, pédaler sur un vélo pour que la projection du documentaire sur la petite sirène puisse toucher à sa fin. Le vélo générateur d'électricité sur lequel les spectateurs vont pédaler a été conçu par l'association Cinécyclo. L'exercice sera plus compliqué que sur un vélo ordinaire. Les participants auront juste à lever la main pendant la séance pour échanger leur place avec quelqu'un d'autre. Cette projection aura lieu aujourd'hui et demain. On part maintenant en Amérique où une retraitée franco-américaine, Ginette, vient de parcourir son 16e marathon à New York. La femme de 85 ans originaire de Metz a l'habitude de faire son petit footing tous les jours pendant 3 heures. Il peut neiger, pleuvoir ou même avoir un nouveau Big Bang. Rien n'arrête notre Ginette qui est prête à tout pour garder son corps de rêve. Enfin, ce qui lui reste. Et pendant le marathon, elle était la plus vieille femme de la course. Elle est arrivée sur la ligne d'arrivée au bout de 6h19 et tout ça sans stress, sans s'alimenter ou même une petite sieste. Son record, elle l'a établi en 2005 à 72 ans en 3h46. La Tool Game, ma petite Ginette, on t'embrasse. On reste en Amérique, à Los Angeles, où Marston Riley, âgé de 64 ans, professeur de musique au lycée Maywood Academy High School, s'est battu contre un élève qui lui a adressé des insultes racistes. L'élève de 14 ans d'origine Amérique latine a utilisé les termes comme « négro »,« mon pote » et « tu vas faire quoi négro ?». Il a notamment lancé un ballon de basket qu'il avait dans les mains sur Marston Riley. Le professeur est resté calme, mais pas très longtemps, et a commencé à enchaîner droite, gauche, coup de pied circulaire et coup à la tête. Tous les élèves de la classe restaient à leur place et filmaient à la scène avec leur smartphone. Ce sont des élèves dans les couloirs et des professeurs qui sont venus séparer l'élève et le prof. Marston Riley a été arrêté pour maltraitance sur mineur selon le département du shérif de Los Angeles. Il a été libéré le lendemain. Décidément, il s'en passe beaucoup de choses chez les Américains et c'est quelque chose qu'on ne verra à mon avis jamais en France. Barack Obama est arrivé dans un fast-food sur Miami, tranquille, chemise déboutonnée pour montrer les pecs, avec deux gardes du corps quand même. Accolade poignée de main, tous les clients et les employés n'en croyaient pas leurs yeux. C'est comme si François Hollande débarquait dans le célèbre fast-food de Grand M, casquette à l'envers, petit Marcel, short, claquette, chaussette. Merci Kevin. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe pas. La marche arrière sur StudecWeb. Ça va encore me coûter une blinde encore aussi à cette histoire. Le jeu de la marche arrière, vous disposez de 4 indices que Romain va vous rappeler dans un instant. Et le ou la plus rapide à nous avoir passé un coup de fil, c'est Lucas. Lucas, bonjour. Bonjour, salut Rémi, salut à tous. Salut, où habites-tu Lucas? J'habite à Paris. Parfait, à la capitale. Exactement. Salut Lucas, t'es avec nous ce soir pour repartir avec un pack StudecWeb et une visite des locaux. Je vais te redonner les 4 indices, est-ce que t'es prêt? Ok, oui je suis prêt, c'est bon. Alors en premier indice, on avait la musique du film 1492. Le deuxième indice, c'était les Jeux Olympiques d'Albertville. Le troisième indice, c'était le générique de Coucou, c'est nous. Et le quatrième indice, c'était l'ouverture du parc Euro Disney. Alors, je t'écoute, penses-tu avoir trouvé l'année? Alors, je pense que l'année, c'est 1992. Bravo, Lucas, tu repars avec ton pack StudecWeb. Ah, ouais, bravo. Super. Félicitations mec. Et en prime une visite des locaux. Heureux Lucas. Ah bah merci beaucoup, ouais. Franchement c'est super, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir joué. Merci bien, gros bisous. Ciao Lucas, ciao. Ciao. Le jeu de la marche arrière revient évidemment demain entre 17h et 18h dans le GPS sur StudecWeb. Souviens-tu de l'ivresse de nos envolées soudaines? Reconnais-tu mon adresse? Nos larmes au bord de la Seine. Allons voir ce qui reste. nouveautés musicales sur Studio Club avec notre idylle de Jennifer. Vous êtes arrivé à destination. Ah bon, mais c'est une intersection là. Je fais quoi, droite ou gauche? À gauche. À droite. Oh mais faites demi-tour, débrouillez-vous. À la base, je voulais être chanteuse, moi. Bon, c'est pas grave, laisse tomber. Moi, je vais plutôt. L'intersection sur Studio Web. Le GPS vous accompagne jusqu'à 18h et ce que je vous propose maintenant, c'est un jeu, un quiz de culture générale plus précisément, mais un petit peu particulier. Je m'explique, vous allez assister en direct à une battle entre deux animateurs et un journaliste. Là, vous me direz, mais pourquoi deux contre un? Bah oui, parce que nous estimons que le journaliste se tient bien plus au fait de l'actu et qu'il est plus documenté que nos animateurs. Bon, ça, c'est la théorie. Qu'en est-il dans la pratique? On va bientôt le savoir. Kevin, notre journaliste, et nos deux animateurs, Dove et Romain, vous êtes prêts? Allez. C'est parti. Première question, pourquoi serre-t-on la main pour saluer une personne? Pourquoi serre-t-on la main? Pourquoi serre-t-on la main? Pour choper des maladies. Non. ça date, ça, c'est des Moyen-Âge. Ouais, Moyen-Âge, enfin, exactement, on est au Moyen-Âge. Ça suffit pas comme réponse, ça. Non. D'accord. Ah bah non, il faut développer un petit peu plus quand même. Je ne sais pas. Alors, ça, personne, j'ai pas d'idée. Personne. Bah, c'était pour prouver que les individus ne portaient pas d'armes. Ça prouve ça. Deuxième question, j'espère que vous avez suivi l'actu. Hier, deux immeubles, puis un troisième ce matin, se sont effondrés. À Marseille, dans le quartier de Noailles, à deux pas du Vieux-Port. Mais alors, dans quelle rue? Trois propositions, rue du Mistral, rue d'Aubagne, rue de Marignane. Je dirais Aubagne, moi. Rue, moi aussi. Bah, c'est gagné. Alors, aucune idée, dans tous les cas, c'est un accident tragique, hein, malheureusement. Bah oui. Une troisième question, qui a inventé les guillemets? Baudelaire. Monsieur Guillemet. Non, pas très loin. Jean-Michel Guillemet. Un prénom pas très loin de... Guillaume, qui était un ingénieux imprimeur du Moyen-Âge et qui a inventé ça afin de mettre en valeur les citations bibliques. Ah là là, sacré Guigui. Bon, c'est nos animateurs qui ont gagné. Encore on ne fait que gagner. Hein. Ouais, là, c'est... Félicitations, parce qu'il faut le reconnaître, ce n'était pas évident. Nous vous remercions d'avoir joué et commenté avec nous cette émission. Le GPS vous donne d'ores et déjà rendez-vous demain à la même heure de 17h à 18h. Romain, Dove, le temps est passé bien vite. Merci beaucoup à tous les deux. Merci aussi à Thomas, notre confrère de la rédaction, et aux équipes techniques. Avant de retrouver à 18h Studek Soir, la musique, comme promis, Jean-Pierre Madère et Macumba sur Studek Web. Ciao, ciao. Macumba.